l'addition salée. Reste osé, c'est l'étoile, l'addition salée. Les pros, les flingueurs, dis-moi de quoi t'as peur, ils me connaissent, je suis leur éducateur. Et quand tu me vois, c'est les flingueurs. Je t'ai dit, ça ne prend moins de 4 heures. Y'a rien qui flûte dans ton flex, laisse ça si tu sais que t'es pas doué. Chez moi, c'est naturel, j'ai le check-splay, par quoi la désir est doué. Je veux des millions, Ferrari, bébé, j'en ai marre de la louer. Tu sais, regarde bien, tous ceux qui m'aiment pas, c'est que des failles s'y sont coulées. Mon cœur est tout noir, c'est sans regret, quand on tire dans la foulée. Un million d'ennemis, je suis un spartiate, je fais la guerre comme un jetonné. Mérité ou pas, toute sincérité, je vais finir par tout voler. Crois que le monde a plein d'ans, putain, man, c'est tout ce que l'on voulait. 2h du matin, on est collé, tu rattrapes par le collier. Rien m'écrit, c'est l'atelier, arrière casse sur la cahier. J'aurai la 200, j'appuierai pas sur le frein. Dehors il fait froid comme à Winterfell. Dehors il fait froid comme à Winterfell. Je me réveille. Dehors il fait froid comme à Winterfell. J'arrête pas. Dehors il fait froid comme à Winterfell. Mon nom m'appelle. Dehors il fait froid comme à Winterfell. Dehors il fait froid comme à Winterfell. Je me réveille. Dehors il fait froid comme à Winterfell. J'arrête pas. Dehors il fait froid comme à Winterfell. Mon nom m'appelle. C'est maladif, ouais. Si tu fais bien la te péter, t'auras ton petit Chanel comme un gift, ouais. La vie d'artiste, ouais. Jamais trop riche. Je me réveille à Courchevel et quand je catarrhée, elle mangeait de la quiche. Ouais, dehors il fait froid, y'a des loquets, je vais en faire des chapkas. Dans la rue, dans le rap, zéro défaite, je suis comme Shafkat. Non, tu ne vois pas venir, tous en noir sur le toit du 4x4. J'y vois comme Black Mat, moi j'ai de quoi payer, je l'éclate. 2h du matin, on est collé, je m'attrape par le collier. Rien m'écrit, c'est l'atelier, AR15 sur la cahier. J'aurai la 200, j'appuierai pas sur le frein. Dehors il fait froid comme un